je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez, nous sommes légion. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Allah n'aime pas votre attitude. Vous n'aurez pas sa gratitude. Exécuter tes chiens. On voulait tuer les pions Charlie pour ranger ses dessins. T'étais pas gentil du tout. Il se moquait de nous. Il faut vraiment être une crapule pour crayonner dans une bulle. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez, nous sommes légion. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Allah n'aime pas votre attitude. Vous n'aurez pas sa gratitude. Vous voulez tuer les beaux Charlie. Les massacrer tous un par un. On voulait tuer les dons Charlie. Ces artistes étaient malsains. Et c'est moins dangereux, c'est vrai, quand les cibles sont désarmées. Oui bon, c'est vrai, nos testicules sont pas plus gros que des gélules. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez, nous sommes légion. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Allah n'aime pas votre attitude. Vous n'aurez pas sa gratitude. Il reste encore des chiens. On voulait tuer les pions Charlie. Et ils dressent tous le coin. Mais on n'est pas fous. Oui, on n'ira pas partout. On sait bien qu'en Corée du Sud, on finirait en petit cul. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez, nous sommes légion. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez-moi, je suis Charlie. Regardez, nous sommes légion. Regardez-moi, je suis Charlie.